Allô Mathieu, Allô? merci de nous recevoir. Un plaisir. Bienvenue chez moi. On est avec Marc aussi. Salut. C'est notre premier enregistrement ou notre enregistrement zéro pour une future balado-diffusion qu'on ne sait pas comment on va appeler encore. Oui, d'accord. C'est à mon tour de parler. Ben, on devrait commencer avec un petit tour pour se présenter. Fait que Mathieu, vu qu'on est chez toi. Merci, monsieur l'animateur. Donc, moi, c'est Mathieu Gauthier-Pilote. Je suis depuis janvier 2013 consultant en informatique libre à mon compte. Avant ça, j'ai fait pendant plusieurs années, j'étais en quelque sorte directeur informatique dans une PME. Donc, je faisais tout là dans le département informatique dont j'étais l'unique membre. Donc, ça allait de la planification des besoins, recherche et développement, jusqu'à prendre le tournevis pour aller mettre la nouvelle carte réseau dans la machine. Puis, je m'occupais du soutien auprès des clients, puis soutien aussi auprès des employés de la PME. Puis là, depuis environ 2011, ce que je fais principalement, c'est des sites web. Et je suis membre de Facile depuis le début, quoique j'ai peut-être pas été très constant dans le renouvellement de mon adhésion, mais il y a maintenant presque 2 ans, j'ai été élu au CA. Puis cette année, je suis particulièrement actif là, dans Facile pour avancer plein de dossiers dans cette organisation-là. Voilà. Merci. Alors, moi, c'est Marc Laporte. J'ai démarré mon entreprise de services informatiques en 99. Avant ça, bon, je travaillais en informatique à diverses places. Et depuis 2003, j'ai décidé de me concentrer exclusivement sur des logiciels libres. Donc, dans les 10 dernières années, c'était principalement un logiciel qui s'appelle Tiki, Wiki, CMS, Bookware. Puis là, je suis en train de me diversifier avec d'autres logiciels. J'étais pas mal impliqué dans diverses associations. Aussi membre de Facile, membre de l'APEL, l'Association professionnelle des entreprises en logiciel libre. Et je suis très intéressé de voir les différents aspects de l'informatique libre évoluer. C'est pour ça que ça me fait plaisir de participer à cette initiative. Moi, c'est Robin Millette. Comme Marc, je suis impliqué dans le Libre depuis 2003. En fait, je pense que j'ai rencontré Marc puis Mathieu à l'OQP3L, anciennement. C'était l'Association québécoise de Linux et des logiciels libres. C'est devenu Facile depuis ce temps-là. Moi, je fais du développement, surtout des sites web. Je programme depuis que j'ai 13 ans. Trop longtemps. Ça fait 2 tiers de ma vie déjà. Je faisais beaucoup de PHP, du Drupal, jusqu'à la fin de l'année dernière, où je me suis tourné vers d'autres solutions. J'ai abandonné le stack LAMP pour faire plus de JavaScript de tout bord de côté. J'étais impliqué dans Facile depuis longtemps, depuis la fondation, en fait. Puis dernièrement, c'est ça, on a le but de relancer pas mal Facile. Et une des idées, c'est d'aller recruter 1 millier de nouveaux membres. C'est un peu pour ça que, ben, pour moi, on fait le podcast pour aller gratter un peu plus large. Alors voilà. Aujourd'hui, on s'est donné quelques objectifs. On va parler justement des objectifs parce que faut comprendre, c'est un enregistrement un peu méta. On veut parler de ce qu'on veut parler plus tard, le format que ça prendra. Aujourd'hui, on va couvrir les objectifs du futur podcast. Le format, ça veut dire les sujets, la manière qu'on va faire ça. On va parler de la fréquence à laquelle on veut l'enregistrer, puis de comment que ça va être diffusé, sur quel endroit on va pouvoir retrouver ça. Tarala. Les objectifs. On a toute une idée peut-être différente de ce qu'on veut pour cette émission-là, cet enregistrement-là. Fait qu'on va faire un petit tour, on va passer une quinzaine de minutes à parler de qu'est-ce que pourraient être nos objectifs. D'accord. C'est moi qui commence. Ben moi, ce qui m'intéresserait avec cette initiative-là, c'est de un peu poursuivre ce qui avait peut-être été commencé par la voie du libre, évidemment, une formule un peu différente, des sujets aussi différents, plus axés sur l'informatique libre dans l'ensemble, donc le logiciel libre, les standards libres ouverts, les données libres ouvertes, la neutralité du réseau Internet, enfin, toutes les dimensions, la culture libre et toutes les dimensions de l'informatique libre. Qui résonne avec le mandat de facile, dans le fond. Parfaitement, le mandat de FACIL, la prétention de traiter de tous ces aspects-là. Et puis, il y a des. Donc, j'ai parlé de la voie du libre, qui est peut-être un précédent québécois intéressant. Puis, en ce moment, il y a aussi une émission qui s'appelle Divergence numérique, qui est une émission française, je crois, qui fait exactement ce qui devrait, à mon avis, être fait au Québec. Évidemment, on va copier dans les moindres détails qu'est-ce qu'eux font, mais en fait, ils ont une formule qui est tout à fait malléable, adaptable à nos besoins. Ils font venir des gens de l'April et de la Quadrature du Net pour faire une revue de presse. Ensuite, ils ont. L'objectif. Ben, l'objectif fondamental pour moi de cette mission-là, ce serait que les gens dans le milieu se connaissent et aussi rayonnent un peu plus pour attirer des nouveaux participants au mouvement, que les gens trouvent leur place dans ce vaste mouvement-là qui est pas. En ce moment, il n'y a pas vraiment d'institution qui fédère bien tout ça, on le sait. On aimerait que FACIL ait les moyens, par exemple, de fédérer toutes les initiatives au Québec. Il faut commencer quelque part. Donc, c'est peut-être une voie. Ben, c'est Marc ici. Moi, je pense que c'est important dans toute initiative. C'est très bon qu'on part avec des objectifs. Je pense que le fond pour moi, pour ma motivation dans le projet, c'est vraiment la question de impliquer les gens. Faut se poser la question. Supposons qu'on va faire notre podcast. On n'a pas encore décidé de la fréquence, mais supposons que dans 1 an, dans 2 ans, on fait un podcast qui est comme notre 2e anniversaire. Puis là, on fait un gros, gros party. On est super content. Ça a été un gros succès. Puis là, on célèbre. Là, il faut se poser la question aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire le succès de ce projet-ci dans 1 an, dans 2 ans? Puis pour moi, le succès, ce que ça fait, c'est qu'il y a des gens qui sont impliqués de plus, qui n'auraient pas été impliqués, qui ont entendu l'émission, qui ont peut-être eu certaines idées chez eux. Puis là, ben, le fait qu'il y ait eu l'émission, surtout dans un format audio, ça leur a donné le goût de dire, je vais aller à une rencontre. Puis oui, j'ai entendu cette entrevue-là, ça m'intéressait, je veux y aller. Donc la conséquence, c'est concrètement des gens qui vont participer puis contribuer. Le deuxième aspect, je pense, Quand tu dis ça, tu ne veux pas dire participer nécessairement à l'émission, mais participer à la communauté, participer à la communauté, effectivement, puis à l'émission, pourquoi pas, mais effectivement, à la communauté, dans un ou plusieurs des domaines. Puis l'autre chose, je suis d'accord avec Mathieu par rapport au fait qu'il y a différents aspects. Donc, il y a le logiciel libre, les standards ouverts, qui sont avec ce parapluie-là d'informatique libre. Puis je pense que pour certaines personnes, pour moi, c'est assez clair le fil directeur entre tous ces morceaux-là, mais je pense que pour beaucoup de gens, ce n'est pas au début. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose comme ça, ben, les gens peut-être, ils viennent à l'émission parce qu'il y a un des aspects qui les intéresse, mais après ça, via ça va leur ouvrir les yeux. Des idées sur des aspects connexes, puis ça, je pense que ça peut avoir un effet très bénéfique. C'est ça, c'est large, ce milieu-là, puis c'est différents milieux. Moi, je me retrouve dans ces objectifs-là. Comme moi-même, là, dernièrement, professionnellement, pour le nommer, je fais du CouchDB surtout. Je connais pas personne qui en fait à Montréal, puis j'aimerais ça comme trouver des moyens de développer des ressources ici, trouver des gens, former des gens. Ça, c'est un objectif très personnel pour moi, mais il peut se répliquer, là, je pense, pour beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont les mêmes besoins que moi. Fait avoir une communauté un peu plus forte, qui se connaît un peu mieux, ces liens-là, c'est important. Ouais, ben, il y a des gens qui s'intéressent à ce mouvement-là, mais se sont intéressés peut-être à travers l'actualité, la presse, la grande presse. Puis ils ont entendu parler ailleurs, en fait, dans d'autres pays, tout ça. Puis ils sont même pas conscients qu'il y a des gens qui sont impliqués dans un organisme qui s'appelle Facile, par exemple. Mais juste cette semaine, on a rencontré Technocompétences, sans aller trop dans les détails, là, mais justement, c'était, ils connaissaient, ils savaient que c'était quoi le logiciel libre, mais ils savaient que ça existait. Mais les Connaissait pas les connaissances personnes. n'étaient pas approfondies, fait qu'on leur a fait une introduction à ça. Ça, il y a beaucoup, moi je dis, il y a 1 million d'utilisateurs de logiciels libres au Québec, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui s'ignorent là-dedans, puis on ne Voilà. sait pas c'est quoi le logiciel libre. Voilà. Et aussi, bon, par exemple, je parlais de technocompétences. Il y a aussi au Québec, comment ça s'appelle, Options consommateurs. Ils ont un comité sur, ils appellent ça le comité télécommunications, inforoute, ou je sais pas quoi. Puis eux, ils s'intéressent à une bonne partie Même enjeu. des mêmes enjeux que nous. Je les connais pas, ces personnes-là. C'est pas normal, là, je veux dire, c'est pas... On est tous à Montréal en plus, là, donc c'est pas comme s'il y en avait un qui est à Québec, l'autre à Montréal, l'autre à Chine. Oh, t'sais, là, on peut toujours justifier par le fait qu'en fait, c'est un pays vaste, on se voit pas, là, mais là, on est à Montréal. Puis, on se connaît pas, on s'est vu, on n'a pas eu l'occasion de discuter parce que des fois, on se rencontre dans des événements, t'sais. Puis, on se croise, c'est comme on serre la main, mais finalement, on n'a pas l'occasion de discuter. Puis, c'est les organismes se renouvellent, donc des fois, les personnes qu'on connaissait dans l'organisation sont plus là, sont remplacées par d'autres qu'on connaît pas, t'sais. Moi, j'aimerais bien que tous ceux qui font quelque chose en ce moment pour faire avancer l'informatique libre, peu importe de quelle façon, dans quel secteur, que ces gens-là soient au courant que, ben, il y a tout ça, là, dans l'ensemble du milieu, de la communauté, il y a tout ça. J'ajouterais, ça me fait penser un peu à un autre des exemples de choses qui ont bien fonctionné, qui sont intéressantes avec les années d'avoir une base de connaissances. Si on prend le logiciel libre, il y a l'émission Floss Weekly qui roule depuis plusieurs années, je pense 2006 ou 2007. Donc, il y a eu peut-être 200 ou 250 émissions dans cette période-là. Certainement plusieurs centaines. Puis ce que ça fait, c'est que quand tu découvres l'émission, après ça, t'as 100 ou 200 émissions, tu peux retourner en arrière, voir des épisodes précédents. C'est très intéressant de faire ça. Donc, si je me mets un peu par exemple, quelqu'un qui déménagerait au Québec dans un an ou deux, puis il arrive ici, puis il connaît pas, il est intéressé à tous ces genres de jeux-là, mais il ne connaissait pas nécessairement les personnes, ben, il peut découvrir le site, puis écouter les émissions précédentes, puis assez rapidement avoir un portrait général des différents organismes et individus impliqués dans ces enjeux-là. Ça, c'est des choses, on va revenir justement là-dessus dans le format, mais aller là au-devant des gens, c'est ça qui est un peu un objectif. Ben, en fait, c'était plus dans... Ben, je dis pas que ça, c'est pas un objectif, mais là où j'allais, c'est qu'on crée une base de connaissances. C'est qu'on accumule ces émissions-là, qui fait que pour un nouveau qui arriverait dans un an ou 2 ans, ben, rapidement, il embarque dans le... Je sais pas si c'est le bon mot là, mais légitimiser le mouvement du livre. Oui, c'est certainement un objectif. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, mais on ne le sait pas. Il n'y a pas vraiment de. Il y a des sites qui font. Tu sais, on ne veut pas remplacer avec ce qu'on fait ici, on ne veut pas rien remplacer, on veut le compléter. Parce qu'il y a des sites comme Québec OS qui font la revue des distributions, qu'est-ce qui se passe dans le logiciel libre. Il y a Blog Linux qui parle de Linux, là, mais dans le sens très large, ça va du Nexus aux applications, d'autres applications de Google. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose à compléter, là, comme Mathieu disait en début, comme divergence. Divergence numérique. Divergence numérique, là, ça marche. Ouais, puis c'est ce que la voix du libre aurait peut-être pu être, puis Ben, a été pendant un a bout, là. été, ça variait là, d'une émission à l'autre. C'était vraiment des invités qui étaient des militants, en tout cas des acteurs de la communauté du logiciel libre au Québec, mais il n'y avait pas que ça. Donc, oui, je pense que c'est un besoin, en fait, carrément, là. Un besoin. Parce que bon, on pourrait dire, il y a des fils RSS, on peut faire un bel agrégateur, mais bon, le texte, ça rejoint certains publics, c'est pratique dans certains cas. C'est pas très interactif, on s'entend, hein, un agrégateur de différentes sources, de l'actualité de différents groupes ou de différentes personnes, c'est intéressant. Mais c'est pas la même chose que d'avoir sur une base périodique des gens qui se rencontrent peut-être pour la première fois et se parlent, en connaissance. Ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on est nous trois, parce que c'est nous qui nous sommes déplacés, mais On est le noyau fondateur. le micro est grand ouvert, là. On veut que beaucoup de gens puissent participer. Nous-mêmes, on sera peut-être pas là à chaque émission. Ouais. C'est pour avoir dans les objectifs, c'est un brainstorming qu'une suggestion, là, mais quand on parlait tantôt de fil RSS, il y a beaucoup de nouvelles, puis chez toi, Robin en particulier, si on prend dans les 10 dernières années ou 15 dernières années, toi, t'as vraiment suivi plus que n'importe qui. Malheureusement. Je sais qu'à chaque fois que je découvrais une nouvelle communauté, j'avais hâte de t'en parler, puis t'étais déjà, avant que je t'en parle, je me rendais compte que t'étais déjà sur la mailing list, t'étais déjà actif là. Mais peut-être qu'il pourrait avoir aussi un peu dans l'idée que, si t'as juste 1 heure, mettons, je sais pas, ça va être quoi notre format, 1 heure, 2 heures, whatever, par X temps, mais une espèce de, si t'as juste 1 heure par mois ou 1 heure par 2 semaines à consacrer à ça, ben, ça devrait donner un survol. C'est-à-dire qu'on s'assure d'avoir une partie actualité, peut-être dans chaque émission, puis une partie peut-être spéciale sur un thème ou un invité. Ce qui fait que si quelqu'un suit cette émission-là à chaque fois qu'elle sort, il fait juste ça, ben, ça ouvre, c'est une porte ouverte sur l'ensemble du livre. Fait qu'on Voilà. pourrait peut-être suivre, bon, si on prend l'exemple de la présentation de Patrice Marcantonio qu'on a fait. Ben, toutes ces choses-là, on devrait au moins en parler un peu. C'est dans le sens, c'est un incontournable. Puis Mathieu, on se voit souvent, on parle souvent des sites web de facile, puis ça, puis le but de Mathieu, c'est d'avoir quelque chose d'incontournable, une référence, là, Incontournable. en parlant de site web, mais là, la même chose avec dans un autre médium, Exact. à l'audio. Qui peut y accéder aussi par le site web, mais c'est un format différent que de juste lire, regarder des images sur le site web. J'allais dire, on a parlé de portrait d'ensemble, on a parlé d'être représentatif des différents secteurs, mais on peut peut-être, vu qu'on part des objectifs et qu'on est à l'étape zéro, considérer la représentativité sous un autre angle, c'est la représentativité de notre communauté selon d'autres critères. Par exemple, on pourrait dire des gens qui sont des simples militants, des gens qui sont des professionnels, des développeurs. Ensuite, il peut y avoir hommes, femmes. On sait que les femmes sont sous-représentées dans le milieu, donc il faudrait peut-être faire attention de ne pas empirer la chose si on a des femmes qu'on sait qui sont impliquées, de vraiment les présélectionner comme étant des personnes qui doivent venir participer. Si elle le désire, on est participé à l'effort. Donc, on peut penser de la représentativité dans sous plusieurs critères, dont des critères là, un peu de gauche là, que je viens de donner, là, homme-femme, puis aussi des critères de différents secteurs d'intérêt, là, tu sais, de l'intérêt de l'entreprise, des travailleurs, parce que moi, j'ai trouvé ça bizarre, ben bizarre, en fait. C'est bizarre, mais c'est pas souhaitable, à mon avis, qu'il y ait autant de travailleurs en TI et qu'en TI en particulier, il n'y ait strictement rien qui ressemble à, par exemple, des associations de travailleurs en général en TI. Ben, il y en a. Par exemple, il y a des syndicats Non, mais de tech. l'AQII, c'est comme 20 000 membres. Ouais, mais ça, c'est pas un regroupement de travailleurs comme tel. C'est-à-dire que, enfin, effectivement, c'est une association. Puis l'appel, c'est effectivement aussi une association. Mais pas la même mission, par exemple, que pour avoir un syndicat. C'est pas nécessairement que ce soit un syndicat. Ça peut être, par exemple, il y a d'autres formes, là, des associations professionnelles qui se donnent des codes d'éthique, comme, pardon, les plus vieilles, là, le barreau. C'est un syndicat, un bar, le barreau, là, je suis désolé, mais c'est ça qu'ils font, là. Ils défendent leurs intérêts, le collège des médecins, etc. Puis nous, en TI, ben en fait... mais c'est pas juste nous, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde, mais c'est certain que s'il y a à y avoir, c'est amener une transformation, ça va pas venir, ça va venir de l'informatique libre, c'est juste là où il va y avoir des idées. C'est juste là où il y a un espace de liberté, d'abord, de penser la technologie au-delà du simple côté technique, là, qui est « wow, c'est plus rapide, c'est plus performant, cette version-là, c'est plus puissant, c'est plus... » Juste dans l'informatique libre où il y a vraiment des gens qui s'intéressent sérieusement à tout l'impact sur la société que peut avoir la technologie, comment ça transforme notre société, les problèmes que ça cause, etc. Comme objectif, tu as des objectifs très ambitieux, très profonds aussi. Ben, c'est-à-dire que j'aimerais bien que ce ne soit pas juste des geeks, essentiellement. Mm-hmm. Parce que c'est sûr que si on veut être représentatif de la communauté, on s'entend que ça va être beaucoup des, majoritairement des hommes. Et ça va être majoritairement des gens qui sont, par rapport à la moyenne, beaucoup plus à l'aise avec les ordinateurs, puis bon, peut-être des justement, du programmeur ou au gars qui ne programme pas vraiment, mais qui ne voit pas comment ça fonctionne. Mais ce n'est pas les seuls, je pense, si on considère tous les aspects sociaux, politiques, éthiques, c'est pas les seuls à s'intéresser à la question. Il y a, par exemple, j'étais au Bookcamp, là. Puis au Bookcamp, c'est les gens qui s'intéressent au savoir libre, à la culture libre. Déjà, tu viens de baisser beaucoup le niveau moyen de compétences informatiques, de geekitude. Sauf que c'est pas des gens qui ont rien à dire sur le sujet, là, au contraire. Là, ils ont d'autres choses à dire qui sont juste pas geeks. C'est une autre sorte. Ouais, c'est une geek. Hein, c'est des gens qui passent tout le temps dans des livres, mais pas nécessairement dans le code source, puis les nouvelles techno. Je pense que Marc avait beaucoup de choses à rajouter, puis on va pas mal acheter. Non, c'est bon, c'est l'objectif. Okay. Je trouve ça cool. Je commençais juste à prendre des petites notes un peu sur les différents sujets. Quand j'entends tout ça, je vois qu'au début, je me disais qu'on va dire assez de matériel, mais non, c'est... Pour aujourd'hui ou pour l'année? Non, pour l'année, en fait, c'est ça. C'est qu'on peut s'en planifier d'avance. Je prends l'exemple, je reviens à Florence Coupé. C'est eux autres qui ont ils ont une liste d'attente pour les invités, c'est-à-dire qu'ils font leur cédule pour les quelques prochaines semaines, puis après ça, ils font leur compte, mais ils ne sont jamais inquiets de manquer de mm-hmm. sujet, puis avec les idées que vous amenez ici, on va certainement pas manquer de sujet. Je pense que non. On ne manquera pas de goût. Non, j'espère qu'on ne manque pas de personne pour en parler. Ouais, ça reste le défi, là. Finir justement sur les objectifs, là, ce que je retiens beaucoup, c'est faire sortir les gens des buissons là, qui, mm-hmm. qui se sentent à l'aise puis présenter. Ouais, ça veut dire, il va falloir que j'aménage mon petit salon ici pour que ce soit beau. C'est déjà très beau. Fait que si on parlait un peu justement des formats que l'émission va prendre, on dit format, podcast, balado, diffusion, enregistrement, c'est comme vous voulez, là. C'est pas déterminé encore. D'un format, on parle aussi de. Tu sais, ça va être quoi les sections de l'émission? Quel sujet on veut couvrir? Parlons de format. Moi, j'ai lancé un petit peu cet aspect-là en deux. Okay. Un, c'est les sujets. Donc, mettons, on peut peut-être faire un groupe, soit après ou avant, par mm-hmm. rapport à standard ouvert, tu sais, des choses comme ça. Puis après ça, ou avant ça, parler de, OK, c'est-tu audio, c'est-tu vidéo, y a-tu le monde qui nous envoie des clips, on a-tu une demi-heure de ça, puis une demi-heure d'autre chose? Ben, peut-être commencer avec le format clip audio, comment qu'on okay. fait, un petit 10 minutes là-dessus, genre. Format au sens de combien, la fréquence ou on ne parle pas de la fréquence? Fréquence, on n'en revient pas là-dessus un peu okay. plus tard. On est super préparé. Moi je pensais qu'on allait plus parler des sujets là. Je parle des sujets. Ah ben commençons par les sujets. Okay. Ben, on est super organisé. Super organisé? On est organisé, mais on s'adapte. Ouais. On a un plan. dans les sujets, ce qui paraît évident, c'est qu'il va y avoir des événements. On va se sentir coupable si on ne les couvre pas. Donc. quelques événements par année. Si on avait, par exemple, soit une émission complète là-dessus, ou bien le plus près possible de l'événement, un enregistrement peut-être à travers un collaborateur X ou Y, là, qui nous dit, voilà, donc moi j'étais à tel événement. Puis par événement, tu parles, mettons, de la conférence qu'on a eue seule cette Par semaine. exemple, la C'est pas besoin conférence. d'être l'événement à grand déploiement. Non, si c'est un événement grand déploiement, là, peut-être c'est l'occasion de faire une émission spéciale là-dessus, parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'intervenants, donc on peut amener à l'émission beaucoup de gens qui peut-être justement des personnalités internationales. Là, on fait venir des gens importants parce qu'ils viennent d'ailleurs. Puis, pour les inviter à parler avec nous. Puis, donc, il y a ça. Donc, il y a les événements. Donc, on doit traiter des événements qui vont se produire dans la communauté. Ensuite, quand je disais événements, pas au sens vaste, là, un événement dans le sens de des gens qui ont organisé une rencontre. Ensuite, il peut y avoir des événements qui sont prévus par personne, des choses qui se produisent dans l'actualité. Il s'est produit tel truc, personne s'y attend. Enfin, c'est toujours des gens qui sont un peu en coulisses et qui savent que ça s'en vient, là. Par exemple, une annonce gouvernementale ou un scandale, corruption en informatique. Un exemple, on avait eu le syndicat de la fonction publique du Québec qui était sorti dans les médias pour demander une deuxième fois qu'il y ait une enquête sur les contrats en informatique. Puis, bon, facile, il y a eu un petit rôle à jouer là-dedans pour que ça se produise. Malheureusement, il n'y a presque pas eu de suite à ça. Jusqu'à, tout récemment, il y a un autre président d'un autre syndicat qui a commencé à écrire dans Huffington Post. Québec, dernièrement. Ça, sujet. Ça fait partie des exemples de sujets que tu peux aborder. Pour moi, c'est ça va prendre au moins moins une personne. Là, je suis certain que ça va toujours être moi, mais c'est clair que moi, ça va m'intéresser. C'est l'actualité. Tu fais déjà la revue de presse. Moi, je m'essaie déjà à faire la revue de presse. On a un wiki à wiki.facile.qc.ca qui regorge d'informations mises à jour quotidiennement. Ok, mais ça pourrait être un survol des trucs les plus importants depuis la dernière fois. Peut-être, oui, mais si je pense à la différence numérique, eux, ils font venir. Mais là, t'es plus dans les sujets, t'es dans le fond. Dans le format. Tu commences avec les sujets. Non, mais je serais pas quoi? Du format. Quoi? Ben, le quoi, c'est ça, c'est la revue de presse. La revue de presse, mais la presse, c'est quoi? Est-ce que c'est juste la presse techno, la presse techno-geek, la revue de presse des activités et des événements au sens large qui se sont produits dans notre communauté ou internationale? C'est ça, l'idée, c'est de faire l'émission, c'est une émission d'une heure, pas de 14 heures, puis d'y aller avec le plus important. Avec le plus important, il y a des choses qui sont incontournables, on ne pourra pas ne pas parler de certains trucs, ça va nous donner... Mais si c'est une émission, par exemple, vu qu'on parle de format, une émission d'une heure, c'est quand même pas mal de temps, là. Par exemple, si c'était... Ben, chaque semaine, ça serait difficile à faire, là, mais donc, tous les mois, ce serait déjà pas mal. Tous les mois, une heure, avec évidemment la liberté de faire plus qu'une heure, si on veut. Je veux dire, on n'est pas... On n'est pas en train de déplacer l'autre émission d'après, là. Tu sais, des fois, les contraintes de temps, c'est parce qu'il y a d'autres émissions sur la grille horaire, là. Nous, il va y avoir rien d'autre sur la grille horaire, donc on s'en fout. Mais on s'en fout pas complètement dans le sens que ça serait facile d'en s'enregistrer, s'écouter parler pendant 3 heures, mais il faut quand même respecter la personne qui écoute. Ouais. Fait que... Il y a une limite à respecter. Ben, c'est que ça, un petit truc, on tombe dans le format, mais réagir là-dessus. Ben, nous autres, ce qu'on fait dans ce qui est nos rencontres mensuelles, on a dealé avec ce problème-là. On a des choses à dire. Là, tout le monde a pris offre pour pouvoir se parler, puis il y a des gens dans différents pays. C'est live notre truc. Donc, comment qu'on fait pour à la fois respecter le temps des gens, à la fois donner le temps aux personnes qui veulent parler longtemps de quelque chose, parce que c'est un sujet que la conclusion qu'on est arrivé, c'est que la première, c'est 2 heures par mois. C'est du dé. La première heure, c'est des sujets rapides. Donc, rien ne devrait prendre plus que 5 minutes. Puis après, si on voit qu'il y a un sujet pendant la première heure qui ça fait plus que 5 minutes. On dit parfait, on va en parler. On va continuer à en parler à la fin, dans la deuxième heure. Plus les on choses va revenir sont, sur le sujet. C'est ça. Plus les choses qui sont cédulées déjà, qui sont, on sait qu'ils vont être longues dans la deuxième heure. Ce qui fait que si tu passes juste la première heure dans l'émission, tu touches à tout. Puis tu sais à la fin de l'heure si tu veux rester pour la deuxième heure parce qu'il y a des sujets. Voilà. Fait qu'on pourrait imaginer quelque chose comme ça. Mettons que le format c'est 1 heure, ben, il y a 20 minutes ou une demi-heure de choses rapides au début. Puis si on a un invité ou on a quelque chose de plus étoffé, ça pourrait être dans la deuxième partie. Donc au début, la météo puis les choses les choses comme ça que les gens veulent avoir rapidement. Les nouvelles des résultats du sport. Puis après ça, les articles en profondeur. Puis pour revenir sur les sujets en tant que tel, avant qu'on commence à enregistrer, Marc parlait de une grille avec 6-8 sujets, puis de s'assurer que comme dans un an qu'on ait couvert ces sujets, ce serait de les énumérer. Ben, c'est ça aussi, parce que tantôt tu disais qu'est-ce qu'on couvre dans l'actualité, puis tout ça, puis on parle de la question qui se situe internationale. Puis, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas de ligne facile, là, mais sans faire de jeu de mots. Mais c'est sûr que s'il y a une grosse nouvelle internationale très importante, ben, on va en parler. Ben ouais. Puis si c'est un truc très local, mais juste intéressant pour les gens de Montréal, ben, du Québec, ben, on va en parler aussi. Fait que j'imagine qu'on va avoir, dépendant de l'importance, ça va être une espèce de matrice de grille très, très floue de à quel point que c'est proche de nous physiquement et à quel point c'est important sur la scène internationale pour voir si on va en parler ou pas. Puis il faut que ça tombe dans nos sujets. Fait que, t'sais, quand on a dans les sujets qu'on avait, c'est clair qu'un des sujets, c'est le logiciel libre. Mais on a aussi des standards ouverts. Ouais. Puis là, ben, c'est là qu'il faudrait qu'on se fasse notre grille de X sujets. Puis à partir du moment qu'il y a quelque chose dans l'actualité qui est dans un de ces sujets-là, ben, ça mérite un topo, une espèce de 60 secondes pour dire ben, c'est pas ça. C'est comme je refais l'Observatoire du Libre, qui est un agrégateur de nouvelles. Et encore Mathieu, il suggérait comme de regrouper les sources dans 6 catégories. Ça pourrait être exactement les mêmes catégories. C'est quelque chose qui est bon. C'est les mêmes choses. Dans 10 ans, ça serait les mêmes catégories. Bah, c'est moi qui ai un moyen de. C'est quoi les 6 catégories? Je les aurais sur le portail de l'informatique libre. Québec. Au Québec. Il est super organisé. Je ne sais pas, on va attendre un peu de parler de ça. Mais vu qu'on parle de format sujet, on essaye entre les deux. Là. Des choses qu'on voulait faire pendant l'émission, c'est avoir des correspondants. Comme je dis, là, on est 3 aujourd'hui, mais si on avait quelqu'un de Québec Ouest qui nous parle, c'est à chaque émission qui vient nous parler de ce qui s'est passé sur le site, l'actualité de son. Quelqu'un qui s'occupe de l'agenda du livre peut nous faire puis c'est pas obligé d'être enregistré en direct avec le podcast lui-même. C'est des choses qui peuvent se faire en dehors, un à un, on prend le téléphone, toutes sortes de manières. Pour les catégories, dans le portail de l'informatique libre au Québec, on a une catégorie qu'on a appelée personnes, les personnes, donc c'est des développeurs, entrepreneurs, chercheurs, politiques, juristes, etc. Effectivement, on a des gens qui vont amener la connaissance juridique. Moi, personnellement, ça m'intéresse beaucoup. On en a au moins un collaborateur qui vient nous dire, ben, vous savez, il y a des poursuites devant les tribunaux en ce moment, il y en a eu dans d'autres pays, il y en a ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ces résultats-là? On peut-tu faire le tour vite-vite? Ouais. Donc, une catégorie personne, une autre catégorie événement qui se produit, une autre qui est les projets et les produits, donc les projets de logiciels libres, par exemple, les produits. Après ça, il y a une métacatégorie qui s'appelle organisation, mais qui est très vaste. Dedans, organisation, il y a des associations comme Mozilla Québec, Linux, PHP Québec, Facile. L'appel. Québec ouvert, communautique, etc. Ensuite, les entreprises, donc Avantech, Kumbit, Savoir-faire Linux, Inibro, Nagora Canada, ensuite, il y a le milieu de l'enseignement, de la recherche. On sait qu'on a une chaire de logiciels libres, finances sociales et solidaires à l'UQAM. On a des cours qui se donnent sur le logiciel, cours logiciels libres et sociétés à l'Université Laval. Ensuite, il y a des formations qui sont données. Bon, c'est un milieu. T'sais. Ensuite, il y a le milieu des institutions gouvernementales. Par exemple, on a le centre d'expertise en logiciel libre. Avoir le pouls de ce qui se passe là-bas sur une base régulière, ça va devenir bien, bien important pour nous, là. Il y a le portail des données du gouvernement, il y a une communauté derrière ça qui peut nous dire, ben voilà, ouais, on a eu tant de jeux de données qui ont été rajoutés ce mois-ci. Les gens qui ont participé à ça, à la matérialisation de ça, si c'était telle personne, bon, etc. Puis aussi ce qui s'en vient pour le portail des données pour prochainement. Et ensuite, on a des médias, donc par exemple, ce dont on parle, ça va être un des médias qui va exister, mais il y a Québec OS qu'on connaît. Bon, j'en ai ici là, qui sont n'existent plus, mais il y avait la Voix du Libre. Il y a une communauté qui s'appelle eGov Québec, qui font de la veille concernant surtout les données ouvertes, j'ai l'impression, au gouvernement, dans Les logiciels qui sont utilisés, les quel logiciels. gouvernement, C'est quel ça. ministère qui a un compte Twitter. Voilà. Puis un truc qui s'appelle l'Observatoire francophone des TI, qui n'est pas spécifiquement libre, mais c'est des gens très sympathiques au livre, tu vois, par leur couverture de ce qui se passe, l'Observatoire. C'est 8, c'est les 8, ça. Ouais. Fait que c'est, ben, je vois comment c'est des sujets, mais c'est peut-être pas la même façon que Ouais, oui. c'est ça. Ben, c'est sûr que, comme on voit, c'est dur de mettre des lignes parce que les choses se retouchent. Mais clairement, si bon, les auditeurs ne voient pas, mais je regarde la page devant laquelle Mathieu est, il y a un nombre assez fantastique de sujets, de personnes et d'organismes. Peut-être je vais en nommer quelques-uns, puis peut-être si tu peux réagir sur comment, quel angle que tu vois ça. Donc, quand on va parler, mettons, là, OK, je vais faire ceux qui sont évidents. Plus je vais y aller, plus on va peut-être frapper les. Donc, on a parlé de logiciel libre, c'est sûr. Standard ouvert. Donc, standard ouvert, ça fait très bien dans. Ben, c'est-à-dire que quand on va parler des standards ouverts, ceux qui vont peut-être vouloir en parler en particulier, ça va être ceux des données ouvertes là, qui nous parlent de ce niveau-là. Sinon, la perspective, je pense que les gens spécifiquement du logiciel libre ont aussi quelque chose à dire sur les formats, les standards, les protocoles, tout ça. OK. Ensuite, mettons des sujets, tantôt on a parlé, il me semble, net neutralité. Ouais. Ah ben moi, le seul que je connais, c'était, me semble, Options consommateurs et leur comité sur les télécoms et l'inforoute, etc. Parce que eux défendent donc l'intérêt du consommateur. Et puis en matière de télécom, ben et d'inforoute, ils déposent des mémoires au CRTC, des choses comme ça. Puis effectivement, nous, dans Facile, on fait à peu près rien sur ça là, en ce moment. Il y en a probablement d'autres éparpillés. Justement, peut-être en ce moment, il y a, si on prend par exemple les États-Unis, on a la Free Software Foundation puis la Electronic Frontier Foundation, deux grosses organisations qui ça se recoupe, mais c'est assez distinct quand même ce qu'ils font. Il y en a un, c'est vraiment les libertés Internet. Ils ont je sais pas combien de poursuites dans les tribunaux. Puis l'autre, ben, c'est le développement de logiciels libres, tout ça. Mais ici, on n'a pas nécessairement des institutions qui correspondent spécifiquement à ça. On a plutôt des personnes impliquées, peut-être justement impliquées dans les organisations internationales. Pour les trouver, t'sais. Si on en a, là. Puis aussi pour le Canada anglais. C'est-à-dire que des fois, il n'y a personne au Québec. jusqu'à ce que tu découvres qu'il y a un quelconque anglophone qui en fait vient de Montréal, puis en plus il parle français. Là, tu fais ah, ben, tout ce temps-là, on ne savait pas que tu existais. Non, mais c'est réel, tu sais. Puis si on est capable de les amener à collaborer, puis s'ils parlent anglais, on va les doubler. Donc, ça pourrait ressembler qu'il y a tel organisme international, ça fit dans ce qu'on fait. On les contacte, on dit c'est qui, donnez-nous votre liste de membres de gens au Québec, puis qu'il y a quelqu'un qui est actif, puis on veut parler. Ça pourrait être ça. Non, je pense qu'on n'a pas nécessairement de gens, par exemple, de la FSF. Moi, je suis membre de la FSF, tu sais, mais je ne suis pas capable de te parler de la FSF en tant que personne autorisée, là. Même chose pour la IFF. Par contre, il y a, par exemple, Open Media, ce moment même, ils sont faire exactement ce que fait la IFF. Ils poursuivent le gouvernement canadien pour avoir violé le droit à la vie privée des Canadiens. Ils ont une À peu représentation près à aucun Montréal. écho au Québec, là, Non, mais il y a une dessus. représentation à Montréal de Andrew Lindsay. Ben, Il c'est était. ça. Andrew Lindsay, moi, je savais pas qu'il existait, mais j'y ai parlé l'autre jour, la première fois. Puis, tu sais, c'est des contacts qui sont vraiment trop, sont pas assez fréquents. Tu sais, quand on se fait pas de contact entre nous, aux Québécois, en français, il y en a encore moins quand. Donc, peut-être. Et ensuite, tu as des choses comme côté légal, licence, Creative Commons. C'est ça. Ça tombe-tu dans les vitres? Justement, à ce niveau-là, quel organisme on a au Québec? Ça, je pense qu'on n'en a pas, C'est ça. mais en Ontario, il y en a. Fait que c'est là qu'on voit comme la matrice que toi t'as parlé tantôt, c'est qu'il y a beaucoup de regroupements, t'sais, de. Tel sujet, ben, il peut y avoir à la fois des institutions intéressantes à interviewer, Ouais. des organismes qui sont Oh. derrière Ensuite, mettons, dans le concept, mettons, au niveau universitaire, le savoir libre, dans le fond, la recherche libre et Les gens qui sont impliqués dans Open l'accès libre. access. Les Ben, il y en a MOOC. au Québec, il y en a qui. Faut bien comprendre qu'ils ne militent pas nécessairement au sein d'une organisation, dans le sens où, tu sais, c'est des profs qui se sont réunis ensemble, qui croient, qui font des affaires dans l'université, dans le cégep. Puis, ils le font peut-être pas sous une bannière reconnaissante, mais ils sont là, ils connaissent les dossiers, ils suivent l'actualité internationale sur le sujet, ils ont été délégués à une grande conférence internationale, c'est les meilleures personnes pour en parler, ces gens-là. Puis, idéalement, faire en sorte qu'ils deviennent membres de FACIL. Puis, qu'est-ce que vous pensez de l'idée de. Là, c'est sûr que là, je vais un petit peu plus loin. Par rapport au forum ouvert, aux gens qui organisent Des bar camps, c'est des ce qu'on appelle barcamps, des souvent des forums, bar ouais, c'est camps. ça, des forums ouverts. Donc, dans le sens que c'est pas du logiciel libre, mais je vois beaucoup d'analogies en fond, c'est Ben, il y avait beaucoup de camps. Ah oui. Bookcamp, c'était ça, là, c'était pas. C'était clair que ces gens-là, ils discutent pas de logiciel libre, mais ils Mais il discutent. y en avait bien d'autres, Ben, ça. ils discutent de toutes les autres œuvres libres que les logiciels, tu sais. Finalement, c'est ça, là. C'est pas qu'ils ferment Tu m'aurais un peu la. résumé, c'est quoi Ah, ben, le Bookcamp, c'est des gens qui se réunissent pour discuter de l'avenir du livre électronique, principalement. Ça tourne autour de cette idée-là. Puis, c'est tous des gens qui sont sympathiques au livre électronique, qui n'est pas barré par des restrictions, des gestions de droits numériques. C'est des gens de sciences de l'information, bibliothécaires. Bibliothéconomie. Ouais, sciences. Puis, il y en a là-dedans qui sont branchés sur, exactement comme on disait tantôt, que ce soit pas uniquement des geeks là, qui viennent parler, qui sont capables en tout cas, en principe, de parler geek. Ces gens-là, c'est le meilleur exemple. Ils ne vont pas te parler de choses très techniques, mais ils utilisent, ils espèrent que les logiciels et les formats ne sont pas des contraintes pour réaliser leur mission, leur ambition de diffusion massive de la connaissance, que ce soit la recherche, que ce soit le livre. Il y avait des gens de BANQ. Pas des gens super haut placés dans BANQ, malheureusement, mais c'est des gens qui sont, par exemple, dans la numérisation. Facile, là, avant que la la BANQU, le passé de reçu, ou peut-être cogitateur-agitateur dans ce temps-là, mais on avait reçu justement les dirigeants de la banque. Très tôt, il s'en est fait des affaires, des efforts à travers les années d'aller parler aux gens, pas les solliciter, les sensibiliser. Et ça, c'est bon. Je pense, on a parlé un peu longtemps des sujets par rapport à notre petite. Je ne sais pas si on peut continuer un petit peu. Oh oui, mais ça coupe, mais vous n'avez pas vraiment répondu juste de ce le dernier que je donnais sur des forums ouverts. Ben, c'est ça. Moi, je répondais avec beaucoup de calme, mais dans le sens que justement, ça dépend du sujet, des sujets qui sont abordés. Mais je parlais plus comme les gens que, donc, c'est la motivation, c'est comment organiser. OK. Ben, c'est ça. L'idée, c'est le logiciel libre, c'est on veut favoriser la collaboration, puis XY, puis le but de ces forums-là, c'est la même chose. Okay? Fait que, moi, je pense que ça rentre dans ce qu'on veut faire. Il y avait les artisans du changement, toujours. Il y a beaucoup d'activités sur ce front-là, puis c'est des gens, justement. On ne se recoupe pas nécessairement beaucoup, mais il y a quelque part Ouais. où est-ce qu'on est des atomes crochus. Mais moi, je dirais que justement, des fois, des atomes crochus, il faut oublier que dans l'informatique libre, qui est le truc très rassembleur, là, il y a le mot libre, puis c'est pas nous qui avons inventé la liberté, là. Il y a plein de gens qui aspirent à être en liberté individuellement et collectivement. Puis en fait, eux, ils voient ça d'un œil extérieur, quoi, la mouvance informatique libre, logiciel libre. Mais ils se sont appropriés certaines de ces trucs-là. Ça doit peut-être donner un meilleur exemple que je peux te donner, c'est le mouvement Do It Yourself. C'est vieux, ça, quand même. Mais je veux dire, depuis qu'il existe des trucs comme des mouvements comme le matériel libre, eux, c'est comme une deuxième vie, là. J'avais un livre, Do It Yourself, Brain Operations and Other C'est tout ça. Je pense que ça existait déjà, les gens qui voulaient que qu'à titre individuel, on soit maître de bidouiller là, dans ce qui nous appartient, notre objet qu'on a acheté, par exemple. Ça, c'est mon affaire. Puis, je veux pouvoir le réparer moi-même. Les gens qui veulent réparer ou monter même leur char. Bon, on s'entend que là, on est quand même assez loin de l'informatique. Mais dans l'esprit de partager la connaissance technique, la connaissance de la mécanique, par exemple, puis de les individus soient pas à la merci de grands groupes industriels qui nous vendent des voitures pas modifiables parce que les pièces sont introuvables, comme ça se rejoint quand même. Oui, ben, je pense qu'on a des sujets. Non. Le format. Juste deux secondes, l'idée du forum ouvert, ben, je connais des gens qui sont impliqués là-dedans, j'aimerais bien pouvoir les inviter. Ouais. Fait que, on va dire Ouais. oui. Qu'est-ce qu'on disait? Ben, dans le forum, on voulait parler justement des sujets, puis on voulait aussi parler de la forme que ça allait prendre, là. On a mentionné des collaborateurs, l'idée de faire des entrevues aussi à certains moments avec des chroniques qui reviennent régulièrement. Moi, j'ai une question de fond qui va un peu comme affecter le reste. Est-ce que c'est dans l'idée qu'il y a une émission live, et nous on sait que le mardi à 14h, on va l'enregistrer, il y a des gens qui vont pouvoir écouter live puis peut-être poser des questions dans le chat, ou est-ce que c'est plus on le fait quand on le fait, puis on l'upload le son quelque part, puis les gens l'écoutent. C'est-tu un événement temporel? Moi, j'aimerais beaucoup ça que ça le devienne, mais les 3-4 premières éditions, les 3-4 premières émissions, justement, ils pourraient être En différé. en différé, mais éventuellement que ça devienne quelque chose de Et live, pourquoi tu veux ça? que ce soit là. Ouais. Mais justement, c'est que il y a quelque chose de plus communautaire, là, si on a un chat, si on peut, les gens peuvent réagir là, on the fly. Puis si les gens peuvent réagir en temps réel, ben nous, on peut réagir à leur réaction. Sinon, ben on le fait, c'est toujours remis à la semaine prochaine, dans 2 semaines. Je pense qu'on peut expérimenter avec ça, effectivement, peut-être pas les premières émissions, parce qu'il va y avoir déjà pas mal de choses à considérer, mais si on voit que bon, ça s'enligne, ça va bien, ça avance, ben là, on introduit la variante, ben voilà, celle-ci va être live, en guillemets, vous pouvez brancher sur IRC. Puis c'est ce que trouver une heure qui convient, Ouais. parce que C'est possible que ce soit trop difficile à maintenir, que ce soit. Moi, pourquoi tu posais la question? parce que ça joue sur toutes sortes de choses. Tu sais, par exemple, si on dit que les gens nous envoient, si les gens peuvent appeler dans l'émission, ben, il faut qu'on leur dise. Également, il faut aussi dire assez longtemps d'avance. Si c'est pour quelque chose de live, il faut qu'on dise à tout le monde, par exemple, c'est le Xème jeudi de chaque mois, puis là, tout le monde planifie. Versus, si on dit, ben, on veut faire on a un cycle, on veut le faire à chaque 4 à 6 semaines. Puis on décide un peu en fonction de qui veut venir. C'est pas la même chose. Puis aussi, je pensais aussi par rapport au lieu physique, c'est que tu sais, la logistique de tout ça m'inquiète un petit peu. Si on a un pattern, que c'est tout le temps à la même place, à la même heure, etc., on peut se faire un studio, on fait un studio chez quelqu'un, on met un micro, on met tout, on met les chaises. Puis là, dans cette optique-là, c'est qu'éventuellement, là, ça a plus de chances qu'on pourrait le filmer. Avec des beaux backgrounds. Ah oh, oui, je vois ça déjà, là. C'est un peu ça, si c'est ça le plan. Mais on n'a pas encore trouvé de commanditaire. Peut-être. Moi, je suis dit pour battre Wayne's World. Bon. Faut être plus gros que Wayne's World. Puis Mais si on parle de background, je veux absolument les petits toasters avec les ailes. Ça fait bon. c'est un bon souvenir. Si on fait quelque chose de live en direct, ben, il n'y a rien qui empêche qu'il y ait un 5 minutes là-dedans qui est préenregistré, là, des petites entrevues qu'on prépare Effectivement. à l'avance. Moi, j'ai. Ça fait longtemps que j'écoute des podcasts, ça fait longtemps que je voulais en faire un, mais je ne voulais pas enregistrer ça tout seul chez moi. C'est facile, il n'y a rien là, là, mais je suis pas bon pour parler tout C'est seul. pas facile de parler tout Non, seul non, avec mais un c'est micro, là. techniquement parlant. Fait que. On s'est réunis aujourd'hui pour faire ça. Où est-ce que je m'en allais? Je sais. Sans faire ce live, merci. Ah, mais c'est ça. C'est cet été, j'ai commencé à. Puis, ça fait longtemps que je voulais faire un podcast. Puis, j'avais des dates aussi en tête. Le 10 puis le 20 du mois. Le 10 puis le 20 du mois, ça veut dire que la journée de la semaine, ça change. Fait que l'été dernier, j'ai commencé à organiser des rencontres dans le parc le 10 et le 20. Ben, le podcast, ça pourrait être une continuation de ça. Puis ça pourrait être que le 10, on en diffuse un, qu'on a enregistré comme on a pu. Puis le 20, que c'est l'édition live. Ça pourrait être. Il y a différents formats hybrides qu'on pourrait adopter. Je pense que ça me fait penser aussi à d'autres affaires, que le fait que c'est live, ça a un truc qui est mieux, c'est que mon inquiétude, ma préoccupation, c'est j'aime mieux quelque chose qui va prendre moins d'énergie puis qu'on va faire pendant des années, quitte à avoir un rythme, quitte à dire, ben là, on n'en fait pas assez, on a trop d'invités, puis j'aime mieux ça, mais que pendant 2 ans, on le fait, que de se brûler. Puis, tu sais, une affaire de faire du montage, tout ça m'inquiète. Tandis que le live, ben, tu te prépares comme tu te prépares, tout le monde se pointe, on le fait, c'est bon, c'est moins bon, mais c'est fait. T'sais, après Ben. l'émission, là, tout le monde s'en Moi, va chez eux. j'aimais bien l'idée des 10-20, cependant, ça me semble un peu exigeant, là, de faire un événement comme ça 2 fois par mois. Peut-être que j'irais plutôt du côté de 1 fois par mois. Si on se retrouve avec finalement plein de matériel, on dit, hey, on aurait pu faire ça, on aurait pu faire ça. Des fois, même, je connais quelqu'un qui fait de la radio depuis longtemps, puis lui, en fait, il y a des heures de matériel enregistré qui se dit, bon, il faudrait bien que je trouve le moyen de passer ça dans un futur épisode, tu sais, la fin de. Parce qu'il y en a accumulé. Si on se retrouve dans cette situation-là où on a une abondance de matériel préenregistré, de sujets que finalement on a mis de côté parce qu'il fallait rentrer tout ça dans 1 heure, mais là, on augmente la cadence, tu On sais. fera des émissions spéciales. On peut Puis faire des émissions on spéciales peut laisser aussi. le matériel raw, photo, si on veut, accessible. C'est vrai qu'en plus, si on dit notre truc 1 fois par mois, Ben là, c'est comme, OK, ça nous fait une cadence qu'on couvre l'actualité. On n'a pas le choix de couvrir Mais l'actualité c'est de. long, hein? C'est assez long, un mois. Oui, je sais, mais c'est ça. Faut le couvrir. Puis là, après ça, c'est que s'il y a des choses spéciales, que, où on a des invités de plus, où on a quelqu'un en cas. Donc là, je peux couvrir l'actualité d'un mois. Pour le fun, ça pourrait prendre combien de temps dans une émission? Ouais, couvrir l'activité d'un mois, c'est quand même, ça peut être long. Ben, le, Ça dans fait le beaucoup de local, blabla. une heure, en une heure, on peut partir. Moi, Donc, ce que. si c'est ça veut dire que là, on n'a plus de temps pour des dossiers de fonds ou un invité spécial. Ouais. Donc, Ben, peut-être. moi, ce que je vois, c'est une émission. Ça me tente pas mal, une émission live à tous les mois, mais je ne ferais pas ça le 20 ou le 10, je ferais ça plutôt comme un samedi ou un mercredi. Journée de la semaine fixe. Une émission de 2 heures. Tu arrives, pouf, t'as 2 heures, blablabla, une heure et demie, puis Ben, ça ce qui se est fait. possible aussi, c'est que c'est une émission qui a, par exemple, on y va à 2 fois par mois. Là, il y aurait une émission en milieu de mois qui serait 1 heure. Puis celle qui serait la fin du mois, ce serait à peu près la même émission, plus 1 heure de plus pour traiter d'un sujet qu'on a ramassé, un sujet pas nécessairement en lien avec l'actualité, qu'on a ramassé. La deuxième heure, sur les sujets de fond dont tu parles. Donc, un mois, dans chaque mois, il y en aurait deux, dont une en milieu de mois qui serait une émission d'une heure, puis la deuxième, la finale, qui finit le mois, elle serait plus longue. En termes de travail, ça, comme ça, il y a quand même des idéal, c'est que les gens se déplacent pour ça, il y a une école de logistique. Il me semble que une fois qu'on a tout installé, de faire une émission d'1 heure ou 2 heures, c'est un peu le même travail. De se déplacer 2 fois, de s'assurer qu'il n'y a personne. C'est mieux de faire. Je sais que pour les auditeurs, c'est peut-être mieux 1 heure à chaque 2 fois par mois. Mais il me semble que pour nous, pour l'organiser, c'est mieux 1 fois par mois, 2 heures. Je sais pas, là. Vous en pensez? Ben, Je commencerai comme ça. moi, je penchais vers 1 fois par mois en termes de justement. Fréquence pour nous, là, de quand même de préparer un peu de matériel pour le moment où ça a lieu. Mais là, j'ai, comment dire, bogué sur le fait que faire une revue de presse de tout ce qui a pu se passer dans le mois. Oui, mais justement, l'idée, c'est que c'est aussi un résumé, là. On en parlait tantôt, on disait que, ben, nous, on est super intéressés, qu'on veut suivre les trucs, puis à Pensez divers le niveaux. ça s'est passé au début du mois, là. Ben, si c'est Tu important. peux pas donner juste un résumé de ce qui s'est passé au début du mois. D'abord, la part des gens se Non, posent mais la question. c'est un peu comme quand tu t'achètes une revue, qui est une revue mensuelle, Voilà, ceux qui puis, font pas d'actualité. ben, s'il y a quelque chose, s'il y a un gros événement, Ouais. c'est la dernière Plus en élection. profondeur. Fait que ça te force à faire plus de recherche, de travail. C'est Mais c'est plus parce que compliqué. tu vas en parler plus tu vas en parler si c'est important. S'il y a un événement qui a eu il y a 28 jours, mais Ouais. très important, on va en parler. Ouais. S'il y en a un qui n'est pas super important, Ça, sauf que si c'est effectivement, si c'est comme un périodique mensuel, là, ce qui est vraiment l'actualité, t'en traites pas, mais dans l'actualité, c'est passé des choses qui sont incontournables, donc tu en traites, mais pour que ça vaille la peine, ta revue, par exemple, pour en traiter avec plus de profondeur que ton simple bulletin de nouvelles hebdomadaire. Et là, c'est plus de travail pour la personne qui va préparer. Donc, Ben, ça dépend, voilà, ça dépend combien de temps qu'on met. parlant de temps, on s'était donné comme objectif une émission d'une heure aujourd'hui, donc on va déborder un petit peu. Pour votre info. Je pense que, ben, je pense que dans tout ce dont on a discuté précédemment, il y avait la place à des types de contenu assez variés, justement, la revue de presse de ce qui s'est passé la semaine ou les 2 semaines précédentes, très très différent d'une entrevue avec une personne qui vient France parler de XY, qui est très différent aussi de peut-être, là je donne un autre exemple, qui vient de Divergence numérique, mais c'est qu'eux carrément vont enregistrer une conférence, présenter un événement, puis enregistrer la conférence. Audio, peut-être que c'est pas eux qui le font. Donc, ils vont avoir la moitié de l'émission ou peut-être toute l'émission qui va être cette conférence-là. C'est là que moi je verrais que dans mettons, la mission, nous on fait un résumé. C'est sûr que c'est toujours plus subjectif. Mais par exemple, la conférence de Patrice. En gros, moi je pense que ça devrait. Si on prend ça comme vrai, mettons qu'on faisait ça. Ben, on a notre discussion d'1 heure qui est sur les dernières 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines. Puis là, ben, on dirait, ben, ça, c'est un événement important, ça va falloir en parler. On en parlerait sûrement 5, 10, 15 minutes, peut-être. Au moins 5 minutes. Puis là, on dirait, ben, écoute, si vous voulez écouter là-dessus. Ça, c'est nos impressions de gens qui étaient là ou qui ont déjà écouté l'enregistrement. Si ça vous intéresse, ben, l'enregistrement est sûr. Oh, ouais, absolument. Je suis d'accord avec ça. C'est ce qui nous C'était. amène à nous fréquenter à chaque fois sur une base régulière. C'est pas les trucs occasionnels, c'est vraiment la poussée dans le. À mon avis, ce serait la revue presse. C'est-à-dire, on se réunit, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Un tel vient nous parler de ce qui s'est passé dans le milieu des données ouvertes, par exemple. Un autre qui nous parle dans tel milieu, etc. Ou peut-être une personne qui parle assez résume pour tout le monde. Puis, et là, se greffent des sujets particuliers à chaque émission qui vont. Je pense que si l'émission n'était pas la même longueur à chaque fois, ce serait pas la fin du monde. Une question, moi, ce serait au lieu de penser au tout le futur, là, juste la prochaine. Est-ce qu'on planifie la prochaine, mettons, je vais au hasard, là, on se revoit le 20, peut-être ici, tu sais, on regarde ça tout de suite, et puis on fait une émission. Qu'est-ce qu'on imagine pour la prochaine, juste la prochaine émission, si on peut mettre ça par écrit. La prochaine On a dit souvent, m'a dit Marc-Antonio, on aurait voulu en parler peut-être un peu plus aujourd'hui, mais on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Mais la prochaine fois, ce sera un sujet à aborder. Ben, une fois que j'ai réfléchi aussi par rapport à ça, tu sais, c'est sûr que ça, si on fait une revue de presse, c'est-à-dire que il y a un petit côté éditorial à ça. C'est pas juste dire en passant, il t'a arrivé tel truc, c'est qu'on veut se donner un peu de temps d'en discuter. Mais si on veut une discussion intelligente là-dessus, ben, il faut que toutes les gens qui aient lu ces nouvelles-là. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, tu sais, c'est genre, ben, ça va être la revue de presse avant l'émission, il faudrait que actifs, puis espérons que ce ne sera pas juste une fois, qu'il va y avoir des rotations, etc. Ben, c'est que si, mettons, combien de nouvelles tu pourrais avoir dans un mois? Ben, Combien il y en a, peut-être, par rapport à l'expérience? dans un mois, qui sont incontournables, il y en aura au moins une bonne dizaine certains, là. Moi, sur l'Observatoire du Libre, là, par contre, c'est l'Observatoire du Libre, c'est 300 sources là, québécoises qui parlent de l'informatique. Dans le temps, j'avais peut-être 5 posts par jour. C'est quand même pas pire. Incontournable, donc ça veut C'est dire pas incontournable, ça. c'est ça. Mais combien sont incontournables tout Ben, moi, je dirais qu'en moyenne, il va y avoir au moins 10 nouvelles dont on doit parler, parce que dans ma tête, je vois comme des dossiers, tu sais, qu'on suit, tu sais, le dossier respect de la vie privée au Québec, Canada, le dossier progression du logiciel libre dans les organismes publics, le dossier, ben, bon. C'est ça. Donc là, il y a un choix éditorial à dire, ben, voici les 10 nouvelles qu'on va. Là, il faut choisir les 10. Donc, effectivement, ça, c'est déjà C'est long. c'est du travail. Puis après ça, il faut s'assurer que les personnes qui sont là, les ont lu, ces 10-là. Puis bon, quand même, on peut s'attendre que la plupart des gens, ils ont quand même un background. Ils connaissent quand même le sujet de fond. Fait c'est pas comme s'il faut qu'ils apprennent de zéro qu'est-ce que c'était le truc. Puis sinon, ben, ça va les intéresser moins de faire. Mais là, chaque nouvelle, ça prend une minute ou deux pour résumer c'est quoi la nouvelle. Puis après ça, une couple de minutes Pour en parler. pour en parler. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en 5 fois 10. sortir à moins de 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes par sujet. Ça fait une Ça. heure. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime. Fait qu'à 6 minutes par sujet, c'est la 10 incontournable, tu as 1 heure de retard. C'est ça. C'est pour ça que au début, je penchais pour une fois par mois. Là, je suis en train de me dire, à cause de la revue de presse, c'est peut-être mieux de le faire 2 fois par mois. Là, on va y avoir, dans les 2 semaines, un certain nombre de sujets, ça va être plus court. Donc ça va être moins crève-cœur aussi, là, tu sais, parce que là, dans le mois, là, tu dois en sélectionner, parce qu'on est limité dans le temps, donc. Donc. Une des façons de faire sans se déplacer, c'est mettons un serveur comme Mongo et d'autres outils. Parce qu'on parle d'informatique, il y en a. Un serveur Mumble, c'est tu te connectes là avec un micro puis des écouteurs, puis c'est comme un chat, mais vocal. Fait que t'es cinq dans le chat, t'es cinq. T'as soit un push to talk ou pas. Pas mal d'enregistrements qui sont déjà comme ça. On est chacun chez nous en pyjama. Ça coûte. J'aimerais ça qu'on se voit une fois par mois. Si on fait une émission sur deux domaines à distance, ou Un exemple que j'ai la en tête prochaine. pour la difficulté, par exemple, facile, son site, relaie, tu sais, des nouvelles qui viennent d'ailleurs, c'est complètement arbitraire. Là. Moi, il y en a beaucoup plus que j'aurais relayé, mais là, c'est tout le temps bon. Pas tout relayé, tu sais. Puis là, nous, par exemple, facile a ses propres trucs, tu sais, qui concernent plus facile, les actions faciles. Puis ici, dans l'émission, ce serait, on aurait nos propres sujets, tu sais. Quand même, on veut traiter de nos propres sujets, nos invités, tout ça, tu sais. Puis, pas que la revue de presse, ça devienne... À mon avis, c'est une dimension, c'est la revue de Ça presse. l'éclipse tout le reste. Pas que ça éclipse tout le À reste. moins que ce qu'on fait, c'est que quand il y a cette revue de presse-là, c'est une excuse pour dire, ben écoute, on va inviter quelqu'un par rapport à tel sujet. Sauf que là, c'est bien plus que 6 minutes. Ouais, c'est ça. Dans ma tête, c'était vraiment, si mettons qu'on fait 2 fois par mois, on aurait une fois où ce serait juste 1 heure, puis l'autre fois où ce serait 2 heures, où là, on aurait la liberté, on aurait un invité spécial, un plus de temps, ben, juste ça comme ça, là, ça comprend. Comme je vous dis, je sais pas, on n'a pas coûté 50 000, mais dans Divergence numérique, ça varie là, vraiment considérablement d'une émission à l'autre. Mais tu mentionnes ça, mais je suis sûr qu'il y a une équipe derrière ça. J'ai vu le site, il y a pas mal, il y a de Ouais, il y a l'allure là, plus de de moyens que loin. nous. Ouais. T'sais, nous, on commence. On a Fait que, zéro t'sais, moyen. juste, ça fait 10 ans qu'on aurait pu commencer. On commence aujourd'hui. Fait que, commencer par la prochaine. Ouais, on va en planifier une avant de planifier toutes les planifications. Mais on a tous des grands rêves, puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. C'est juste qu'on n'a jamais levé le petit bout. C'est pas parce que c'est énormément difficile, c'est juste qu'on n'a Ok, pas ben, essayé. moi, je. Une bonne question parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites. J'ai impressionné par plein d'affaires qui sont dans l'actualité, le fait que le premier ministre est à côté d'un chef d'entreprise de logiciel libre, dire, on est sur le logiciel libre, une motion de l'Assemblée nationale, je pensais, il y a 10 ans, je rêvais pas de ça. Moi, j'y rêvais, mais c'était même pas comme chose que je m'imaginais dans le passé. Fait que ça c'est cool. Mais je vais aller là-dessus. Donc, il y a plein de choses qui se sont faites. Chacun a mis plein d'énergie. Donc, pourquoi maintenant ce format, pourquoi ce format-là, ça serait intéressant? Pourquoi c'est mieux pour le mettre nos énergies dans ça qu'autre chose? Ce podcast. Ben, moi, j'en. Qu'est-ce qu'il y a dans ce format-là qui fait que ça va avoir plus d'impact? Ben, ça, quand tu dis plus d'impact par rapport à quel autre format ou Par rapport, un on va autre. mettre le nombre d'heures qu'on va mettre dans Ouais. ça versus le mettre dans une autre action. Une Pourquoi autre ça a action. plus d'impact? OK. Ben, ça a le côté interactif. Si on veut, c'est une bonne excuse pour interviewer des gens, c'est une bonne excuse pour aller chercher des collaborateurs. Ben moi, je Mais ça, on dirais que c'est pourrait le ça. faire par écrit. Ouais. Je pense que ça va les gens se parler. Puis on n'a pas encore été tous dématérialisés dans le réseau. On est encore des bipèdes par là. Puis je pense que dans l'idée que, en tout cas, mon analyse à moi, c'est que le mouvement est dispersé, pas de cohésion. Et il y a des gens qui devraient se connaître, tu sais, parce que leurs efforts de collaborer ensemble puis avoir plus d'impact. Donc, je vois ça comme une façon assez concrète de faire plusieurs choses en même temps, qui est de réseauter des gens, de tenir à jour, de tenir au courant aussi, parce que des fois, les gens se rencontrent. Ah, super belle rencontre, on échange les cartes. Après ça, peut-être qu'on va être occupé, on parle le fil de ce qui se passe. Tandis que l'émission de radio qui a un volet relais de l'actualité, Ben, fait que on n'est jamais trop loin derrière les autres. Ok, bon, ça fait 2 mois que on sait pas trop qu'est-ce qui se passe avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc intéressant avec un format live de discussion, c'est, je vais faire l'analogie dans les conférences. J'en fais beaucoup de conférences, je passe le temps, c'est une présentation, il y a une personne avec un slideshow, présente ses trucs, il y a deux présentateurs. Mais la différence entre aller payer dans une conférence, se déplacer pour aller écouter quelqu'un, versus se retrouver la même conférence que le gars il a donnée il y a 6 mois sur YouTube, ben, il n'y a pas grand valeur ajoutée. Dans le fond, à part, c'est les discussions qui arrivent dans le contexte. Par contre, quand, comme à Kung Fu, des fois, il y a des tables rondes, ben là, ça, c'est le fun. Parce que là, la table ronde, tu veux être là, parce que tu peux pas la pogner sur YouTube. Chaque table ronde va donner quelque chose de différent. Donc, le live de ça a de quoi d'intéressant. L'autre affaire, c'est que du point de vue préparation, moi, je sens que c'est beaucoup moins de travail de préparer pour une table ronde que pour une présentation. Parce que là, tu as les autres personnes, Mais tu veux tout être en même page, pareil, comme on dit pour l'émission, on peut se donner des lectures. oui, c'est ça. Mais sauf qu'on a une lecture, mais je trouve que le côté discussion, c'est plus intéressant d'entendre trois, quatre personnes discuter de quelque chose qu'une personne présenter son contenu. Je pense que ça peut être ça. C'est ça l'angle qui est différent de l'écrit. Parce qu'on pourrait prendre la même énergie, puis faire tous les mêmes sujets, puis de dire à tous ces gens-là, on va les interviewer. Même que ce soit une entrevue audio, là. T'sais. Puis là, on mettrait ça. Peut-être qu'il y a un beat, puis qu'éventuellement, que ça pourrait être live, puis que les gens peuvent chatter en temps réel, si on vise ça comme objectif dans quelques mois. Moi, j'aime bien les tables rondes, ça a son utilité pour le côté justement discussion, réflexion, savoir ce que les autres pensent. La revue de presse, c'est autre chose complètement. Se tenir informé, on n'était pas là, on n'a pas eu le temps, mais il y a quelqu'un d'autre qui l'était, qui nous donne un peu de trucs, et on peut retourner après. Puis, faire venir des gens, comme dans l'optique de faire un portrait de la communauté, ben, surtout si on les fait venir plus qu'une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, eux, ils peuvent peut-être rejoindre un nouveau public pour aller chercher peut-être des bénévoles, des gens nouveaux. C'est un peu comme justement partager nos. On partage nos bases de. Comment dire, on a nos, sinon, on a chacun nos petits milieux. Puis là, en fait, c'est comme, comme le auto-discovery là, sur les réseaux. Là. On s'auto-découvre et puis là, on se retrouve avec un public beaucoup plus vaste, avec quand même pas tant d'efforts que ça, là. Tu rejoins des gens qui n'ont pas l'habitude, ils suivent ça d'un peu trop loin, puis là, hop, ils se rapprochent. Ils se rapprochent, puis là, ils découvrent qu'il y a tous ces gens-là qui font tel truc dans ces gens-là. Il y en a qui peuvent être des collaborateurs, des nouveaux membres, des gens qui vont faire de l'action, justement. Parce qu'après ça, évidemment, il faut que ça se transforme en action. C'est sûr que la parole, c'est de l'action, mais on s'entend que produire quelque chose. Voilà ce qu'elle avait à dire. On n'a pas vraiment répondu à la prochaine émission. Ah. On pourra faire ça, déterminer ça d'ici la prochaine. On n'aura pas le choix, sinon il n'y en aura pas. Qu'est-ce qu'il restait comme sujet? On vous laisse donner un autre 10 minutes pour parler de la fréquence, puis un dernier 10 minutes pour la diffusion, le site web, où est-ce que ça va être hébergé. Ouais. Je pense pas qu'on a besoin de 10 minutes pour parler de fréquence, puis Non. on a pas mal abordé le sujet de toute façon. Ouais. Pour la diffusion, on en a moins parlé, mais ben, en tout cas, devant le Mais micro, là. fréquence, là, si on vote, là, faites juste lever la main qui veut deux émissions par mois. Moi, je pense qu'on peut essayer Moi, je trouve que c'est ambitieux. Je pense que c'est plus safe de dire c'est un, puis tu fais des émissions spéciales quand tu as l'énergie. Okay. Fait que une autre émission en décembre prochain. Ouais. Puis là, par rapport à la fréquence, il me semble que c'est bon. Tu sais, quand nous autres, ce qu'on fait, c'est sûr que c'est pas ça, c'est plus comme des appels conférences de communauté. Mais l'idée, c'est qu'on on s'est trouvé un cycle. On a trouvé un moment que tout le monde a fait un vote de quand les gens peuvent. Tu veux dire dans Tiki? Ouais, okay. C'est ça. Mais j'ai fait ça aussi dans SVG Edit. Puis surtout, tu sais, t'as des gens au Pakistan, puis c'est compliqué au niveau des fuseaux horaires. Ça peut être dans notre cas aussi compliqué au niveau des horaires de travail. Mais je pense que c'est vraiment winner de dire c'est le troisième jeudi du mois à 19h à telle place. Ouais, ça, je suis d'accord. Puis on dit ça. C'est ça. Puis on peut puis planifier aussi nos invités d'avance. Week-end ou semaine? Moi, c'est sûr que c'est mieux la semaine parce que je suis tout le temps là. Surtout vers le milieu de la semaine. Je pense que pas du monde, il y a mieux la semaine. Ouais, soir de semaine, ça va être correct. Mais le dimanche aussi, c'était bien. Chez moi, en tout cas. J'ai pas bougé. Moi, ce qui va arriver, c'est que ça. Des fois, je vais être à l'extérieur. Mm. Tu sais, c'est quelque chose comme mercredi, puis pas à 5 heures, genre. Parce que, Je peux pas. Ben, c'est ça, c'est pas ça. Fait que si c'est quelque chose plus comme 20 heures. À moins qu'on en fasse 20 heures. On invite Jeannette. Je sais pas si c'est à l'extérieur, on compte sur toi pour nous ramener des entrevues spéciales. Live from Tokyo. Fait que c'est ça, on se dit une fois par mois, probablement une heure et demie, là, je pense, avec juste le truc qu'on a là. Mais, puis idéalement live. C'est ça. Ouais, c'est ça. Genre 19h30 à 20h, quelque chose comme ça. Fait qu'on essayerait ça. Là, puis comme c'est, ça va être pas mal tout juste des Québec dessus. Avec les fuseaux horaires, c'est pas vraiment un problème. Moi. Si jamais maintenant on a une invité de la France, ben là, il va être. Donc. Je pense qu'il y a beaucoup de. Il y a l'expression de low hanging fruits. Ouais. Je sais pas si ça se dit en français. Mais les low hanging fruits, ils pourrissent aussi. Là, Bon, c'est un bon projet. Okay. Puis là, par rapport à quand on fait des cycles comme ça, ce qu'il faut juste faire attention, c'est de checker un peu la calendrier. Pas que ça tombe à des temps comme c'est quand c'est les lundis, c'est parce que c'est souvent des congés. C'est pour ça que je donne pas de date de jour maintenant parce que je me référais à mon calendrier. Mais mettons mardi ou mercredi. Mardi, c'est les Linux Meetup. Il y a déjà, ben c'est pas tous les mardis, justement. Si on est le troisième. On checkera l'agenda du livre, puis on pourra les bloquer pour les 12 prochains mois. Ouais. L'agenda du livre à agenda.qc. Agenda du livre. agenda du livre.qc.ca. Là, il restait un sujet. Ça prendrait l'équivalent de QR codes, mais pour les audios. Bon, voilà. En fait, donc, si on tombe un peu dans une affaire qui est pas pire avec la dernière version des Blue Button, c'est pas seulement que je suggère cet outil-là, mais juste dans cette idée-là, comment tu peux avancer dans une émission, là. C'est que, bon, Baby Button, c'est un truc pour faire des webinaires, mais c'est plus dans une idée d'une formation en ligne. Fait que c'est beaucoup. Moi, j'ai un PDF avec du matériel, puis je vais uploader mon PDF, puis là, ben, vous êtes tous chez vous. C'est ça. Puis quand moi, je vais changer la slide, ben, ça va changer pour les autres. Là, c'est audio, il y a un chat, tout ça, c'est très bien. Mais là, ce qui est nouveau dans la dernière version, c'est que, bon, c'est automatiquement, c'est enregistré. Mais là, c'est que t'as toutes tes slides dans l'enregistrement. Quand tu fais jouer l'enregistrement, tu vois aussi les slides. Puis là, tu les vois d'avance. Fait que tu peux tout de suite sauter à la slide 14 en cliquant dessus. Ça amène l'audio à cette place-là. C'est une petite clochette qui dit faut que tu changes de slide. Non, parce que c'est le présentateur qui change de slide. Tu te fais clochette. Voilà, non, mais il y avait les disques qu'on écoutait là pour la changer de page. Donc, si on a quelque chose comme ça, ça ferait que il s'agirait juste qu'on change les slides quand on change de sujet. Puis ça ferait un long audio, mais on pourrait même avoir des bookmarks pour la classe en particulier ou quelque chose sur les slides. Ouais, moi je pense que ce serait bon d'avoir possibilité de pour les gens qui vont l'écouter en différé. Ben ouais, évidemment en différé, le live ils n'auront pas vraiment le contrôle sur le curseur. Mais en différé de pouvoir leur dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la grosse entrevue, le reste qui m'amène. Ça, c'est un peu plus de montage, c'est clair, mais ça vaut la peine. Quelque chose de multimédia. Quelque chose de multimédia, employer un mot qui est rendu désuet. Puis on n'a pas parlé de commanditaire, mais qui ou qui voudrais-tu commanditer? Non, mais on parlera pas de commanditaire. Il n'y a Non, pas de mais on dépenses. a intérêt à ce qu'il y en ait quand même éventuellement. Parce que oui, Ben, ça va avoir l'air certainement, sérieux. ben, je pense certainement, ben, sur ton de commentaire, on devrait parler un petit peu un peu de partenaire. Parce que moi, tu sais, on disait où est-ce que ça va être, où est-ce que ça va être. Tu sais, on parle de collaboration, on parle, tu sais, je veux dire, c'est sûr que là, on est dans un mode qu'on ne veut pas refaire ce qui se fait déjà. Donc, on veut inviter des gens comme Québec OS à venir faire un bout sur l'émission, etc. Mais s'il y a d'autres initiatives auxquelles on peut se greffer, tu sais, parce que, mettons, je regarde un an, tu sais, un an dans le futur, si, peut-être que ça pourrait devenir une émission qui fait partie d'une radio. Ouais, CIBL, mettons. C'est ça. Donc, Une radio FM. oui, c'est ça. Donc, pourquoi pas un peu y avoir dans l'idée que ça se grefferait à quelque chose de plus gros. Donc, oui, on est capable d'être autonome. On est capable de faire notre propre site web. On est capable de faire ça. On est bon là-dedans. Mais s'il y a une opportunité de se rattacher à quelque chose qui existe déjà, puis de soit devenir le pendant francophone de quelque chose, ou si c'est un truc français, ce serait de devenir le pendant québécois de telle émission, L'ellipse. mais tant mieux. Je pense que l'agenda du libre.qc.ca, l'agenda du libre en français, c'est un bon exemple, c'est Ouais, sûr. c'est cute parce qu'en fait, on se voit pas tant que ça, mais on a tous le même nom. On a l'air d'être tous unis, là. En tout cas. Cette émission-ci qu'on enregistre en ce moment même que je parle et que ça fait vroom vroom, on va le mettre sur le site de Facile. Ça va être là comme une nouvelle sur le site de Facile. C'est pas un projet facile, mais on va le diffuser là juste comme cette fois-ci. On peut tout de suite dire licence Creative Commons attribution. Let's go, là. On a-tu besoin d'autres choses? Ton expérience. C'est le plus loose possible. Moi, je n'ai pas pensé à ça là, mais c'est sûr que ça sera pas. On ne demandera pas Moi, ça me dérange pas que des quelqu'un autorisations pour. remixe ma voix, fasse un rap, là. Ça me dérangerait De toute façon, tu es une personnalité publique, donc c'est pas pas fair use. Ouais. Donc, c'est Creative Commons avec attribution, c'est ça? Juste ça, là. Bye. Just bye. Bye L'autre option, ce serait comme share alike, qui veut dire partage à l'identique ou copier, mais c'est pas nécessaire. Si des gens veulent diffuser ça, autrement dit, aux nouvelles de TVA, ils ont la permission tant qu'ils donnent la source. Avec share alike, il n'y aurait pas la même permission. Il faudrait qu'ils rendent leur propre enregistrement. je me fie à ton expérience, puis je me dis, ben justement. Ça devrait être un de nos sujets où on devrait avoir quelqu'un de Creative Commons Canada qui Commons Québec, si ça existe, Non. qui vient Ben, nous c'est parler de Olivier, de ça. toute façon. Avec les Charbonneaux. Ouais. Ça serait la référence, ouais. Non, mais c'est lui, monsieur. OK, je savais pas. Est-ce qu'il travaille à Ottawa? D'accord. Je sais qu'il y avait une fille qui était de Creative Commons Canada à un moment donné à Montréal. McGill, puis Ben c'est ça, puis en tout cas, j'avais parlé du dépôt, dépôt légal, tu sais, parler de dépôt légal. Il y a un dépôt légal à Ottawa, mais aussi un dépôt légal au Québec. C'est deux dépôts légaux. Il y a juste au Québec un dépôt légal au Québec. Les éditeurs ont envoyé deux copies à Ottawa, puis deux au Québec. Ça fait quatre copies. Puis pas tout courant. Faut que tu t'envoies deux clés USB, rien qu'une, puis ils peuvent se les Ben, copier ce que j'ai entendu dire, c'est que le dépôt un. numérique est obligatoire à Ottawa, mais il n'est pas obligatoire encore au Québec. Mais le dépôt numérique, faut que tu le fasses en double. C'est ma question. Est-ce qu'il nous reste des sujets? Ben, c'est ça, là, diffusion. Peut-être qu'on va avoir un site web à nous pour le mois de décembre. Peut-être qu'on va trouver une place aussi. Ça va être libre, fait que Mathieu disait tantôt, ben, il y a juste à le copier. Oui, ça c'est un fait. mais il y a nous comme intentionnellement. Ouais, c'est ça. Où on veut le diffuser. Ça me prend un logo aussi. Moi, j'inviterai le monde à... Y'a-tu un nom? J'ai dit avec podcast, mais le monde ne connaît pas avec podcast. C'est pas un band qui s'appelle avec podcast. Non, les autres, c'est podcast que... Oui, effectivement. J'avais compris. Donc, à réfléchir. L'ellipse, c'est un autre nom. L'ellipse. Parce qu'il y a déjà la sphère. Ça jouait hier. La sphère. Mais, j'avais pas pensé à un nom 10-20 dans le livre, dans la continuité de 10-20 dans le livre. Bon, c'est ça. Je peux arrêter un nom en particulier. Ou on fait comme Debian, là, les premières lettres du nom, ça fait un nom Rob, Marc, Rob, Mamaro. Mamaro. Bienvenue à Mamaro. Mamaro. Okay, on va continuer à réfléchir. Et puis, j'inviterais quand même, je vais donner mon adresse, c'est robin@commercialmilette.info. Vu qu'on n'a pas d'autres infrastructures, fait que tout de suite, écrivez-moi à robin@commercialmilette.info. Info. Si vous voulez participer, si vous avez des suggestions, je vais faire suivre ça à Marc-Étienne. J'espère que dans 10 ans, tu ne vas pas regretter d'avoir donné ton adresse courriel à cause des robots spammers du futur qui vont facilement reconnaître les arrobas dans l'audio. Oh non, tu es complètement inondé là, à cause d'une erreur commise il y a 10 ans. Pas trop inquiet. Mais c'est ça, ça va prendre les QR codes aussi. Ça va être ça. Voilà, merci de vous être déplacé. On se revoit la semaine prochaine. pas la semaine prochaine. Ça dépend. Donc, c'était Mathieu Gauthier, pilote, Robin Minette, Marc Laporte, qui vous disent à la prochaine. Ça nous prend la petite musique, là. Le outro.